Je ne suis roi de rien, je règne sur le vent. Sur des chemins perdus, sur des sables mouvants. Sur d'anciens châteaux forts et sur des cathédrales. Englouti, je suis roi d'un soleil qui se meurt comme il peut. J'ai l'air d'un vieux volcan refroidi peu à peu. Je crois que ma parade à grands coups de cymbales est finie. Je ne suis roi de rien, ma couronne est en bois. C'est scandaleux bien sûr, c'est de mauvaises allois. Je ne suis roi de rien, mais je suis roi quand même. Si tu m'aimes, alors le monde entier peut s'écrouler d'un coup. J'ai le droit d'être pauvre et le droit d'être fou. Je suis esclave et roi, je n'ai pas de problème. Car je t'aime. Je ne suis roi de rien, mais je suis roi quand même. Je ne suis roi de rien, mais je suis roi quand même. Si tu m'aimes, je ne suis roi de rien, mais je suis roi quand même. Je ne suis roi de rien, mais je suis roi quand même. Car je t'aime. Je ne suis roi de rien que de mon avenir, qui n'est déjà plus rien qu'un désastre à venir. Et l'intérieur de moi n'est plus qu'un paysage en délire. Je ne suis roi de rien, je suis comme un enfant qui reconstruit le monde en écoutant le vent. Je suis esclave et roi, je n'ai pas de problème. Si tu m'aimes. Now for a break.